Ouais, ça va sur ce tempo. Bah, moi, ça remonte à 1969. Tu vois, ça fait quelques années. Regardez la terre, vue du ciel, que c'est beau. Ce n'était qu'une image, mais tellement parlante que j'ai presque eu la haine de savoir que bientôt, juste par connerie, on la rendait mourante. J'ai regardé la terre avec les yeux du cœur et je n'ai pas pu retenir les larmes de la honte. En pensant que demain cette planète qui meurt ne vaudra plus grand chose, même pour ceux qui comptent. C'est pas demain la veille que les vieux ronds de cuir auront dans leur conscience la petite étincelle. Le brin d'intelligence qui empêchera de dire la terre n'est maintenant qu'une immense poubelle. Il suffirait pourtant d'être un peu moins cupide, de ne plus seulement se croire seul au monde, éviter de piller d'une façon stupide des siècles de labeur juste en quelques secondes. Notre terre est sacrée, et si elle nous tolère, ce n'est pas seulement pour quelques dispendieux qui se croient tout permis et qui en plus sont fiers de laisser le désert s'étendre sous leurs yeux. C'est pas demain la veille que les vieux ronds de cuir auront dans leur conscience la petite étincelle, le brin d'intelligence empêchera de dire la terre n'est maintenant qu'une immense poubelle. J'ai regardé la terre comme un grand champ de larmes où certains n'ont parfois même rien pour survivre, pas d'autre solution que de prendre les armes juste pour éviter que demain ce soit pire. Les forêts qu'on décime pour gagner davantage et qui demain seront... Merde, j'ai paumé le clic. C'est chiant quand je paume clic, putain, c'est une galère. Je l'avais enlevé vers la fin. Je ne sais pas ce que ça fait. Quand on, ben, on se décale systématiquement. Moi, je l'avais laissé, puis au bout d'un moment, comme on l'entend pas très fort, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais à côté complet, quoi. OK. Donc, Ouais. Putain, c'est pas évident. Ce truc qui fait bip bip, c'est vraiment pas évident de se caler dessus. C'est pas une batterie, hein. Avec une batterie, ça va tout seul. Lâche pas encore une.